السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. شفعنا الله عز وجل وكنتيني شرح القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن علهاب رحمه الله تعالى بشرح الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. Et on était arrivé à la session de questions-réponses, l'as'ila wal ajuba, du troisième cours de Cheikh Al-Bukhari, le dernier. Donc on avait fini le Sharh al-Qawl al-Arba, et on est arrivé aux questions-réponses. On avait fait les deux premières questions et les réponses de Cheikh Al-Bukhari, hafidhahullah ta'ala. Et on est arrivé donc à la suite qu'on va faire aujourd'hui, qu'on va terminer aujourd'hui, inshallah. السؤال هذا سائل يقول هل نستطيع إزالة القبور القباب المخالفة لشرعنا مع معارضة بعض الناس وليس كل الناس ولا يترتب على ذلك مفسدة أعظم. La question qui est posée à Cheikh Al-Bukhari حفظه الله تعالى c'est pouvons-nous retirer les tombes et les mausolées qui transgressent notre législation alors que certaines gens s'y opposent mais pas tous et qu'il ne résulte pas de cela un mal plus grand. La réponse, le jawab, علي رضي الله تعالى عنه لما ذهب قال ألا تجعل قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. هذا من علي رضي الله تعالى عنه، ما كان من عند نفسه، إنما بمن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو ولي الأمر في ذلك. فهنا نقول إزالة مثل هذا، هو يقول السائل إنه لا يترتب على هذا مفسدة أعظم. أنت لك طريقان كما قلت قبل قليل في الجواب، طريق البيان للناس الحق وإرشادهم إليه أو إرشادهم إليه، لأنه قد تكسر هذا أو هذه القبة وهذا الضريح، نعم، وتزيله الحمد لله، لكن يبنون آخر صحيح، فأنت يجب أن تسعى على الخطين بيان الحق للناس بعلم وعدل وإزالة ما تستطيع من إزالة ما لم يترتب على ذلك ماذا مفسدة أعظم من تلك المفاسد، القتال والاقتتال. لا تظن أن قتل النفس الواحدة هين، لا تسترخص الدم. ولهذا لما جاء فقهاء بغداد إلى الإمام أحمد رحمه الله بعد أن تعرض للفتنة التي تعرض لها فتنة الخلق أي خلق القرآن، وناظروه ناظرهم أبو عبد الله أي الإمام أحمد رحمه الله ساعة، قال لماذا جئتم؟ قالوا جئنا لنقول لك إن هذا الإمام قد فعل وفعل، وإن لسنا نرضى بإمرته ولا بإمامته. قال لا تفعلوا، هذا خلاف الآثار، فاصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. الدماء الدماء، لا آمر بهذا بل أنهى عنه. La réponse de Cheikh Al-Bukhari par rapport à cette question, il dit, حفظه الله تعالى, Ali, car le très haut l'agré, lorsqu'il est parti, a dit que tu ne laisses aucune tombe surélevée sans que tu ne la remettes à niveau, ni une représentation sans que tu ne la casses. Ceci de sa part, Ali radiallahu anhu, car l'agré ne venait pas de lui-même, mais ne venait uniquement de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il était celui qui détenait le pouvoir à ce sujet. Et donc ici nous disons que retirer ce genre de choses, celui qui pose la question dit que ne résulte pas du fait de le retirer un mal plus grand. Il lui dit, toi tu as deux voies, comme je l'ai dit il y a peu dans la réponse. La voie de clarifier aux gens la vérité et de les y orienter, car il se peut que tu casses ce mausolée ou que tu casses ce tombeau et que tu le retires. Et toutes les louanges reviennent à Allah, mais qu'ils en construisent un autre. Donc toi, il t'est obligatoire d'aller sur les deux voies. Là, clarifier la vérité aux gens avec science et équité, bi'ilmin wa adlin, et de retirer ce que tu es capable de retirer, tant que quoi? Tant que ne résulte pas de cela quoi? Un mal plus grand que cela. Et il cite des exemples, il dit les mots, parmi les mots, le fait de tuer et de s'entretuer. Il dit, ne pense pas que tuer une seule personne est une chose bénigne. Non, ne considère pas le sang comme une chose bon marché. Et c'est pour cela que lorsque les juristes consultent les fuqaha de Bagdad, ils sont venus à Bagdad chez l'imam Ahmed rahimahullah, et donc les juristes consultent, ils sont venus chez l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, à Bagdad, après qu'il ait été exposé à la fitna, à laquelle il a été exposé, c'est-à-dire ce qu'on appelle en arabe fitnatul khalq, la fitna qui consiste à dire que le Coran est créé, et qu'ils ont débattu avec lui. Abu Abdillah, l'imam Ahmed a débattu avec eux pendant une heure. Et il dit, pourquoi êtes-vous venu? Il dit, nous sommes venus te dire que cet imam, ce dirigeant, a fait telle et telle chose et nous ne sommes pas satisfaits de sa gouvernance ni de son imamat. Il dit, ne faites pas cela car cela est contraire au athar. Patientez jusqu'à ce qu'un pieux se repose ou que l'on soit reposé d'un pervers. Le sang, qu'est-ce que ça veut dire le sang ici? C'est-à-dire, ne faites pas ce qui peut amener le sang à couler. malgré le fait que quoi que le fait de dire que khalq al-Qur'an c'est une mécréance, c'est le kufr. Yani, le fait de dire que le Qur'an est le makhlouq, c'est un kufr. Qur'an kalamullah ghayr makhlouq. Qur'an c'est la parole d'Allah et il est incréé. D'accord, malgré ça l'imam Ahmed, regardez, il n'a pas autorisé de quoi de se rebeller contre le gouverneur. Il dit je n'ordonne pas cela, mais au contraire je l'interdis. C'est-à-dire de se rebeller contre le gouverneur. L'affaire du sang, Cheikh al-Bukhari dit, est une affaire très grave, qu'Allah te bénisse. Ne la prends pas à la légère. Comme le fait de construire des mausolées sur des tombes est une affaire très grave et une grande turpitude. Eh bien aussi, le fait de tuer une âme est une grave turpitude. Le Cheikh il dit, Hafidahullah, أمر الدم أمر عظيم بارك الله فيك لا تستهن كما أن أمر بناء القباب على القبور أمر عظيم ومنكر جسيم وكذلك قتل النفس منكر عظيم فانتبه بارك الله فيك وكن على فقه وبينه. Donc le Cheikh il dit Hafidhullah Cheikh al-Bukhari il dit l'affaire du sang est une affaire très grave qu'Allah te bénisse, ne la prends pas à la légère. Comme le fait de construire des mausolées sur des tombes est une affaire très grave et une grande turpitude. Et bien aussi le fait de tuer une âme est une grave turpitude. Qu'Allah te bénisse. Et donc aie de la compréhension et sois averti. Question suivante posée à Cheikh al-Bukhari hafidahullah. As-su'al qala sa'ilun hal min tariqatin. Ici je ne sais pas si le tafrir il est bien fait ou pas, on va lire comme c'est. Hal min tariqatin yudarrasu bihi as-sibyan dun al-ashira hadhi al-qawa'id al-arba' al-muhimma. Moi j'ai traduit ça comme ça ici. Est-ce une bonne méthode que d'enseigner aux enfants de moins de 10 ans cette épître importante des 4 règles? La réponse est le jawab, نعم. من تدريس الصبيان الأطفال تحفظهم هذا المتن وإفهامهم معاني الكلمات الغريبة فقط. إذا كان عنده إدراك بعد أن تكرر عليه اشرح له شرحا عاما لا حرج في هذا إن كان يستوعب وهذا طيب ومفيد. اهتموا بالأطفال، أقول اهتموا بالأطفال والصبيان. من كان عنده صبية أو إخوة صغار وهذا أمر مهم جدا لا يجوز إغفاله، فهذا الطفل سيكون غدا شابا ويكون رجلا، فالعناية به مهمة وأكيدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد اعتنى بالأطفال، فكان عليه الصلاة والسلام يقود الحسنة عندما كان يحبو وأتى إلى تمر الصدقة قال كخ كخ، وفي ضبطها 12 لغة. قال عليه الصلاة والسلام أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ وهو صغير لكن يربيه ويعلمه، ماذا حكم نأخذه نحن بعده؟ أقول صارت الأحكام والفوائد. فلذا العناية بالأطفال مهمة، ومن ضيع طفله فقد ضيع كنزا ثمينا، فلا يلومن إلا نفسه، يعتني به وحرص عليه وانصح له وربه التربية الحسنة النافعة ينفعك إن شاء الله إذا احتجته. وفي الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام أو ولد صالح يدعو له. وصلاح الآباء له أثر في صلاح الأبناء، كما قال الله جل وعلا وكان أبوهما صالحا فانتبه فاصلح نفسك واسعى في صلاح ذريتك بارك الله فيكم. La réponse de Cheikh al-Bukhari, hafidahullah, oui, il fait partie de l'enseignement aux enfants de leur faire mémoriser ce texte des 4 règles, mais de leur faire uniquement comprendre le sens des mots qui peuvent leur être incompréhensibles. S'il a une certaine compréhension après que tu la lui aies répétée, alors explique-lui d'une explication générale. Il n'y a aucun mal à cela s'il comprend et cela est bon et bénéfique. Donnez de l'importance aux enfants. Je dis, donnez de l'importance aux enfants et aux petits, pour ceux qui ont des enfants ou des petits frères. Et cela est une chose très importante au sujet de laquelle il n'est pas permis d'être insouciant. Car cet enfant sera demain un jeune, et il sera un homme. Et donc s'occuper de lui est une chose très importante et incontestable. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a donné de l'importance aux enfants. Et il conduisait Al-Hassan, radiallahu anhu, alors qu'il marchait à 4 pattes. Et ils sont arrivés aux dates données en aumône, Tamr Sadaqah, et il dit, kikh, kikh. Ici, le Cheikh explique qu'il dit qu'il y a 12 manières de dire cette parole. Yani, mes Cheikhs, ils ont droit de ça de 12 manières différentes, le fait de dire kir, kir. Il a dit le Cheikh ici. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font comprendre par kir, kir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça à Hassan. Pourquoi? Parce que le Hassan, radiallahu anhu, il avait mis quoi? Il était petit, il allait à 4 pattes. Il avait mis une date, un tamr sadaqa, il avait mis dans sa bouche. Et il lui a dit kir, kir, c'est-à-dire quoi? Hein? Voilà, c'est-à-dire retire-la de ta bouche. Il a dit, Al-Hassan Kalilagri avait mis une date donnée en aumône dans sa bouche et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit cette parole afin qu'il la dépose. C'est une petite explication comme ça vous comprenez. Et il dit, alayhi salatu wa sallam, ne sais-tu pas que nous ne mangeons pas de l'aumône, nous ne mangeons pas l'aumône, alors qu'il était petit afin de lui enseigner et de l'éduquer, et ceci est un jugement que nous prenons. Je dis qu'après lui, il y a les changements et les bénéfices, les jugements pardon, et les bénéfices. Et c'est pour cela que s'occuper des enfants est d'une grande importance. Et quiconque néglige son enfant aura négligé un trésor précieux. Et donc il ne fasse de reproches qu'à lui-même. Et si vous voulez un article complet ou une allocution complète traduite sur notre site spfbienvegan.com, il y a des Cheikh Abdallah ibn Hamid rahmatullah alayh, il y a l'éducation des enfants, on va le faire bientôt en cours inshallah, et lisez Sharh Muqaddimat ibn Abd al-Qirawani de Cheikh al-Fawzan, parce qu'au début il explique pourquoi l'imam al-Qirawani rahimahullah il a écrit cette risala, d'accord, et Cheikh al-Fawzan il en profite pour faire une nasiha et un conseil par rapport à tarbiyat al-awlad et l'importance de tarbiyat al-awlad et comment les salafs ils étaient par rapport à l'éducation des enfants. Il dit, occupe-toi de lui et sois diligent quant à lui et conseille-le et éduque-le d'une éducation bonne et bénéfique et il te sera avec la permission d'Allah bénéfique si tu as besoin de lui. Il était rapporté dans le hadith authentique, lorsque le fils d'Adam meurt, ses actions s'arrêtent à l'exception faite de trois. Et parmi ces trois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ou un enfant vertueux qui invoque pour lui. Et la vertu des parents a une influence sur la vertu des enfants. Ça, c'est important de comprendre ça aussi ici. La vertu des parents a une influence sur la vertu des enfants. Comme Allah le Très-Haut a dit, selon la traduction du sens est, surat al-Kahf, verset 82, et leur père était un homme vertueux. Leur père à eux deux, wa kana abuhuma saliha. Et leur père était un homme vertueux. Et donc, sois attentif. Réforme ta propre personne et travaille à réformer ta progéniture, qu'Allah vous bénisse. Question suivante. Yaqul, هل من المنهج الصحيح في دراسة الفقه أن يقوم الطالب بتلخيص شرح متن معين دون دراسة على المشايخ كما يفعل كثير من طلبة العلم في الحرم النبوي باشتغال بتلخيص الشرح الممتع؟ Question posée à Cheikh Abdallah ibn Abd al-Rahim al-Bukhari حفظه الله تعالى. Est-ce que fait partie de la méthodologie correcte dans l'apprentissage du fiqh, la jurisprudence, que l'étudiant se mette à résumer l'explication d'un texte spécifique sans l'étudier auprès des chouyours, comme certains étudiants en sciences islamiques le font à la mosquée prophétique en s'occupant à résumer un sharh al-mumti'? Un sharh al-mumti', je vous ai mis en référence en bas de page ici, on en a déjà parlé plusieurs fois, il est ici dans la mosquée, il est en 15 volumes, c'est un sharh al-mumti' ala zad al-mustaqni'. C'est une explication d'un texte dans le fiqh hanbalit par Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymin en 15 volumes. Réponse de Cheikh al-Bukhari, hafidahullah ta'ala. والله إن من الحرمان إن من حرمان الخير أن تكون بين أظهر علماء السنة وتشتغل بشيء لا ينفعك وتزهد في حلقهم فهذا من الخيبة والخذلان. لا أتكلم عن هذا السؤال، أتكلم عموما، وهذا موجود، يشتغل بعض ببعض ويعلم بعض بعضا ويتركون دروس الأشياخ وعلماء السنة، هذا من الخذلان وقلة التوفيق، نعوذ بالله من الغواية بعد الهداية. فما ينفع ولا يصلح أن تقطع هذه المفاوز من بلادك، تأتي أنت يعلمك من هو مثلك، إما جاهل مثلك أو دونك، نسأل الله العافية والسلامة. فيجب على الإنسان ألا يضيع عمره فيما لا يعنيه. هذا اللسان كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، إما ذاكر وإما لاذغ، إما لسان ذاكر وإما لسان لاذغ، إما لسان ذاكر في الخير والتقوى وطلب العلم النافع، وإما لاذع في الشر والعياذ بالله والغيبة والنميمة. نعم، والقول على الله بغير علم كما قال ابن القيم، والنفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالباطل، إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فانتبه أيها المحب، هل من المنهج الصحيح؟ ليس من المنهج الصحيح أن تجلس أنت وزيد وعمر وتلخص ماذا؟ أنت كما يقال تزبب قبل أن يتحصرم، ما يصلح على أي أساس أنت لخصت؟ كيف فهمت أن هذا هو المعنى وهذا هو المهم في هذا الكلام؟ كيف أدركت المغزى؟ فاقد الشيء يا بني لا يعطيه. ثم ليت الأمر يقف عند هذا التلخيص، ماذا يحصل بعد التلخيص؟ أجلس أنا وأنت وزيد وعمر وبكر فيعرض كل منا ملخصه صحيح، ثم يبدأ بعد ذلك المداولة والمناقشة، هذا فهم هكذا وهذا فهم هكذا، ثم بعد المناقشة يحتد الكلام، أنت ما تفهم إلا أنت تفهم، يبدأ الأخذ والمد والجزر. وما هذا الذي يحصل؟ حاصل أو ما هو حاصل؟ هذا حاصل، أنا لا أحكي من فراغ، وهذا موجود، هذا مسلك ليس مسلك لمن أراد طريقة طلب العلم الصحيح، والذي ينبغي عليك إذا أردت الصحيح، إذا درست المتن على شيخ حاذق سني، نعم، بعد ذلك تراجع وراءه ما شرح، ثم تقرأ متن آخر في شرح المتن نفسه مختصر بحسب مستواك، فتنظر تضم الأشباه إلى النظائر، ثم بعد هذا تلخص المعلومة العامة من هذا وذاك. إذا هناك إشكال عرضته على ذلك الشيخ، قد تكون أنت تظن أنه أنها فائدة، لدى بها فائدة مقلوبة، ليست فائدة قائمة، فتصوب لك. ولهذا لا يؤخذ العلم من الصحف أبدا، لا يؤخذ العلم من الصحف، إنما يؤخذ من أفواه الرجال الحاملين له بعلم وعدل. La réponse par rapport à ce point-ci, Cheikh il dit, il fait partie du fait que tu sois privé, que tu sois privé du bien, que tu sois au sein des savants de la Sunna, mais que tu t'occupes avec une chose qui ne t'est pas bénéfique. Et que tu abandonnes leur cercle de science. Et cela fait partie de l'échec et du lâchage. Je ne parle pas de cette question, je parle de manière générale. Et cela existe. Qu'ils s'occupent les uns les autres et qu'ils s'enseignent les uns les autres et qu'ils délaissent les cours des chouyours et des savants de la Sunna. Et cela fait partie du lâchage et du peu de tawfiq qu'Allah nous préserve de l'égarement après la guidée. Et il n'est pas bénéfique, il ne convient pas que tu traverses tous ces endroits depuis ton pays. C'est-à-dire que tu fasses toute cette distance. Et que tu viennes, et que quelqu'un qui est comme toi t'enseigne, soit un ignorant comme toi ou en dessous de toi. Nous demandons à Allah qu'il nous préserve et nous accorde la sécurité. Et donc il est obligatoire à l'individu qu'il ne perde pas son temps de vie dans ce qui ne le concerne pas. Cette langue, comme l'a dit Ibn Qayyim, est soit occupée au dhikr, soit il a dit la dhi'a. Je ne sais pas si quelqu'un a un dictionnaire en arabe sur son téléphone ici qui regarde vite le mot la dha'a. On va voir si la traduction que j'ai trouvée elle est... J'hésite par rapport à cette traduction. La dha'a ou la vi'a. Soit une langue occupée au dhikr, soit une langue comment? La vi'a. Lisan la vi'a. Soit une langue occupée au dhikr dans le bien et la piété, la recherche de la science bénéfique, soit une langue qui est la vi'a dans le mal, qu'Allah nous en préserve, dans la médisance et dans le colportage de paroles de médisance. Amère. Une langue amère. Et dans le comportage de paroles de médisance et dans le fait de parler au sujet d'Allah sans science. Et le verbe, qu'est-ce qu'il te donne pour le verbe? Piquant, qui pique. C'est ce que j'avais traduit. Soit qui pique. Dans le mal qu'elle nous en préserve, dans la médisance et dans le comportage de paroles. Une langue qui n'est pas bonne. Une langue qui pique, une langue amère. Dans la médisance et dans le colportage de paroles de médisance et dans le fait de parler au sujet d'Allah sans science. Il a dit le riba ou le namima ou le qawla ala Allah bi-ghayri ilm. Et comme l'a dit Ibn Qayyim rahimahullah, et l'âme, si tu ne l'occupes pas par l'obéissance, écoutez cette belle parole de cet imam de la communauté, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, et l'âme, si tu ne l'occupes pas par l'obéissance, elle t'occupe par le faux. Et si tu ne l'occupes pas avec la vérité, elle t'occupera avec le faux. Et donc, sois attentif, ya ayyul muhib, wa toi qui aime. Est-ce que cela fait partie de la méthodologie correcte? Non, cela ne fait pas partie de la méthodologie correcte que tu t'assieds, toi et Zayd et Amr, c'est-à-dire toi et un tel, et que tu résumes. Qu'est-ce que tu résumes? Alors que toi, tu es comme on dit, ça c'est une expression en arabe, ils disent « Tazabbaba qabla an yatahasrama ». C'est-à-dire, faut y aller pour traduire ça, mais il est devenu un raisin sec avant d'être un raisin aigre. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire cette expression-là? C'est-à-dire qu'il a prétendu une caractéristique, d'accord, ou une situation avant de s'y préparer. قبل أن يتهيأ له. ادعى حالا أو وصفا قبل أن يتهيأ له. C'est ça qu'ils disent en général les gens de science par rapport à ça. تزبب قبل أن يتحصرما. C'est-à-dire comme un raisin sec qui est sec avant d'avoir atteint la maturité. C'est ça que ça veut dire en fait. D'accord? Mais le sens de ça, c'est que quelqu'un il prétend une caractéristique ou une situation avant même d'avoir atteint la maturité. Cela n'est pas correct, le cheikh il dit. Sur quelle base tu as résumé toi? Comment as-tu compris que ceci est le sens et que ceci est ce qui est important dans cette parole? Parce que quand on résume quelque chose, il faut voir qu'est-ce qui est plus important par rapport à ce qui est le moins et le sens qui est correct, etc. C'est pas un exercice facile. Le cheikh il dit, comment as-tu compris que ceci est le sens et que ceci est ce qui est important dans cette parole? Comment as-tu compris la signification? Celui qui ne détient pas une chose en mon petit-fils ne peut pas la donner. Cheikh Al-Albani disait beaucoup, rahimahullah, faqid ash-shay la yu'ti. Celui qui n'a pas quelque chose, il ne peut pas la donner. Et puis si seulement l'affaire s'arrêtait à ce résumé, qu'est-ce qui arrive après le résumé? Je m'assois ainsi que toi, et Zaydi, Amr, Bakr, un tel, et chacun d'entre nous expose ce qu'il a résumé, n'est-ce pas? Et puis après cela commence la délibération, le débat. Celui-ci a compris comme ceci, et l'autre a compris comme cela. Puis après le débat, la parole augmente en intensité. Toi, tu ne comprends pas. Ah, il n'y a que toi qui comprends. Et donc commence la prise et la poussée et l'égorgement. N'est-ce pas ce qui se passe? Cela arrive ou pas? Cela arrive. Moi, je ne raconte pas cela à partir de rien, le cheikh, il dit. Cela existe. Cette manière de faire n'est pas la manière de faire de celui qui veut la méthodologie correcte, de quête de la science. Et ce qui te convient que tu fasses, si tu veux ce qui est correct, c'est que si tu as étudié le texte auprès d'un savant expert et sunnite, après cela que tu révises derrière lui ce qu'il a expliqué. Puis que tu lises un autre texte dans l'explication du même texte. Un concis en fonction de ton niveau. Puis tu regardes et tu joins al-ashbah à al-nadair. Ça c'est difficile à traduire. On va faire un dar sur ce que c'est quoi l'ashbah ou al-nadair. Puis après cela tu résumes l'information générale de celui-ci et de celui-là. Et s'il y a le moindre souci, tu l'exposes à ce cheikh. Et c'est peut-être que toi tu penses que c'est un bénéfice, alors que c'est un bénéfice renversé et pas un bénéfice droit qui te serait corrigé. Et c'est pour cela que la science ne doit pas être prise des livres, mais elle ne doit être prise que de la bouche des hommes qui portent cette science avec science et équité. Est-ce clair? Et l'analyse et la lecture sont pour ceux qui en sont capables. Moi je n'interdis pas la lecture, mais le sujet est, comme l'a dit celui qui a posé la question dans sa question, le fait de résumer. Qui es-tu toi pour résumer et enlever la parole de notre cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymin et dire ceci est en plus et ceci est en moins? Le sens du résumé est que tu en résumes la partie essentielle et l'essence. Et ceci est du verbiage, hein? Et cela n'est pas du verbiage. Ceci n'est pas bénéfique qu'Allah te bénisse. Question suivante. قال السائل إنه يوجد في مسجدنا في البلد إمام يفعل البدع والموالد ويعلم أنها من البدع والخرافات ولقد نصحناه كذا وقال إنه من طرف الشؤون الدينية والأوقاف وأيضا يخاف أن ينزعوه من منصبه ذلك ذاك هل تجوز الصلاة خلفه؟ Il y a dans notre mosquée chez nous un imam qui commet des innovations religieuses et pratique le mawalid, comme le mawalid, etc., les fêtes de fêter la naissance, comme il fête la naissance du prophète, et autres, alors qu'il sait que cela fait partie des innovations religieuses et des choses inventées, et nous l'avons conseillé autant de temps, et il dit que cela vient du ministère des Affaires religieuses et du Waqf, et aussi il a peur qu'il le retire de sa fonction. Est-il permis de prier derrière celui-là? La réponse. الأولى بعد أن نصحتموه إذا يوجد غيره ينصب في هذا المكان على السنة نصبوه تكتبون للأوقاف أنكم ترغبون في إمامة زيد وعمر أو عمر من الناس بدلا من هذا فإذا كان وإلا انصرفوا إلى مسجد آخر لا تقام فيه البدع الرجل يعني إمامه يعني إمامه يعرف أنها بدع ويصر عليها نسأل الله العافية هذه ضلالة وانحراف أما الصلاة خلفه إن اضطررتم فجائزة ما لم تكن البدع شركية أما إن كانت دون ذلك فالصلاة خلفه جائزة والصلاة خلف غيره أولى. La réponse, la première chose est qu'après que vous les conseillez, que si vous avez quelqu'un d'autre à cet endroit qui est sur la sunna, que vous le mettiez à sa place. Écrivez au ministère que vous désirez que Zayd ou Amr, un tel ou un tel parmi les gens, soit imam à la place de celui-là. Si cela n'est pas le cas, alors partez à une autre mosquée dans laquelle les innovations religieuses ne sont pas pratiquées. L'homme, c'est-à-dire son imam, sait que ce sont des innovations religieuses et il persiste qu'Allah nous en préserve. C'est un égarement, une déviance et une déviance. Quant à la prière derrière lui, si vous êtes dans la nécessité, elle est permise tant que l'innovation religieuse n'est pas une association à Allah. Tandis que si cette innovation religieuse n'arrive pas à ce degré, alors la prière derrière lui est permise et prier derrière autre que lui est meilleur. Question suivante. La ilaha illallah. Imra'atun taqulu zawjuha i'tanaq al-madhhab al-rafidi wa huma muqiman fi bilad al-kufr wa laha minhu arba'atu abna fama nasihatukum laha wa hal yajuzu laha talabu at-talaq minhu. Question. Nul n'est en droit d'être adoré par Allah. Une femme dit que son mari s'est converti au madhab de Rawafid, qui est devenu Rafidi. Et ils sont tous deux résidents dans un pays mécréant et elle a 4 enfants avec lui. Quel est donc votre conseil pour elle et lui est-il permis de demander le divorce? Réponse de Cheikh al-Bukhari, Hafidahullah. بل يجب عليها أن تطلب الطلاق منه. الرافضي لا يجوز لها أن تبقى تحته. إن الروافض شر من وطئ الثرى، شتم الصحابة دون ما برهان. لا يجوز لها أن تبقى تحته، تبين له أنه على خطأ وعلى خطر، وتنصحه بالرجوع للسنة. فإن أصر إلا أن يقيم على هذا المذهب الباطل نعوذ بالله منه، فتطلب الفراق. Cheikh, il dit, mais de plus, il lui est obligatoire de demander le divorce. Il ne lui est pas permis de rester avec un rafidi. Puis il a cité un vers de poésie. Les rafidites sont les pires qui ont foulé la terre de leurs pieds. Ils ont injurié les compagnons sans aucune preuve. Il ne lui est pas permis de rester avec lui. Elle lui clarifie qu'il est dans l'erreur et qu'il est en danger. Et le conseille de revenir à la sunna. Et s'il persiste à rester sur cette fausse voie, qu'Allah nous en préserve, elle demande la séparation. Question suivante. السؤال قال حديث إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام هل يكون هذا في الأصول والفروع أم فقط في الفروع نرجو التوضيح question il dit le hadith lorsque le juge émet un jugement en faisant l'effort d'interprétation puis qu'il a raison il a deux récompenses et lorsque le juge émet un jugement en faisant l'effort d'interprétation puis qu'il se trompe, il n'a qu'une récompense. Ou comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, est-ce que cela est dans les branches et dans les fondements ou seulement dans les branches? Nous voudrions un éclaircissement. Réponse de Cheikh Al-Bukhari hafidahullah. لم يعمل هذا الحديث هو حديث صحيح في الصحيحين حديث معاوية رضي الله تعالى عنه لم يعمل هذا الحديث في أبواب الاعتقاد إلا من طمس الله بصيرته فلا يجوز أن يقال إن هذا الحديث يشمل الأصول والفروع إذا أرادوا بالأصول ماذا؟ العقيدة والفروع الفقه ليس كذلك فمن ضل في باب الاعتقاد لا يشمل هذا الحديث ولا يدخل فيه ولهذا نجد العلماء يذكرون هذا الحديث ويستدلون به تحت أبواب الاجتهاد أو من أبواب أصول الفقه ولا يعرج عليه أو لا يعرج عليه أحد من علماء السنة في أبواب الاعتقاد والعجيب والعجائب جمة أن من استدل بهذا الحديث تبريرا للجهمية والمعتزلة من هو هذا؟ محمد جمال الدين القاسمي في كتابه تاريخ الجهمية والمعتزلة قال لئن قلنا بأن هذا الحديث رجل الشبهات أهل البدع لئن قلنا بأن هذا الحديث يختص بمن اجتهد في أبواب الفروع والفقه فدخول من أخطأ في باب الاعتقاد فيه من باب أولى فاعتذر للجهمية والمعتزلة من هذا الباب والعياذ بالله ولم يعتذر لأهل السنة وعلماء الحديث بل وصفهم في ذلك الكتاب الآثم وصفهم بأنهم غلاة وأنهم حشوية والعياذ بالله فلا يجوز الاستدلال به في أبواب الأصول كما هو حسب السؤال في باب الاعتقاد هذا الحديث يخص أبواب الفروع في من اجتهد واستفرغ الوسع واستجمع الآلية والأهلية ولكنه لم يتعمد مخالفة الحق فلم يصب فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد La réponse de Cheikh Al-Bukhari, hafidahullah, ce hadith qui est un hadith authentique et qui est dans les deux authentiques Al-Bukhari wa Muslim, d'après le hadith de Muawiyah radiallahu anhu arda, ce hadith n'a pas été appliqué dans les points de la croyance sauf par celui à qui Allah a fait perdre sa clairvoyance. Et donc il n'est pas permis de dire que ce hadith englobe les branches et les fondements, s'il veut dire par les fondements la croyance et par les branches la jurisprudence. Ce n'est pas comme cela. Et donc celui qui s'est égaré dans la croyance ne rentre pas dans ce hadith. Il n'est pas compris dans ce hadith. Vous voyez comment Ahl Bida'a utilisent des hadiths authentiques pour essayer de quoi? De les mettre dans des ambiguïtés, de dire que non, même dans la croyance, il y a l'ijtihad et que hein, et on commence à excuser les gens l'innovation, etc., etc. D'accord? Et c'est pour cela que nous trouvons que les savants citent ce hadith et l'utilisent comme preuve dans les sujets d'efforts d'interprétation ou dans les sujets des fondements de la jurisprudence. Usul fiqh. Et aucun des savants de la sunna ne l'applique dans les sujets de la croyance. Et parmi les choses étonnantes, et les choses étonnantes sont nombreuses, que parmi ceux qui ont utilisé ce hadith pour innocenter le Jahmiyyah al-Mu'tazila, qui est-ce? Mohammed Jamal Din Qasimi, dans son livre Tariq al-Jahmiyyah wal-Mu'tazila, l'histoire de al-Jahmiyyah wal-Mu'tazila. Il dit, si nous disons que ce hadith est spécifique à ceux qui ont fait des efforts d'interprétation dans les branches et la jurisprudence, regardez comment il a ramené le hadith avec une compréhension contraire au ulama de la sunna. Alors ceux qui ont fait des erreurs, il dit, dans la croyance, sont plus en droit d'entrer sur ce hadith. Et Cheikh Al-Bukhari, il dit, et donc il a excusé le Jahmiyyah et le Mu'tazila par cela, qu'Allah nous en préserve. Et n'a pas excusé les gens de la Sunna et les savants du Hadith, mais au contraire, il les a décrits dans ce livre pécheur comme étant des extrémistes et des hachouïa. Hachouïa, c'est quoi? J'en ai déjà parlé dans le dars de Cheikh Raslan, voici notre prêche, hein, Hadi Da'watuna. On avait déjà fait un point par rapport à ça. Le sens de cela, c'est parmi les gens, la masse des gens, ceux qui sont les pires, les plus bas, ou une affiliation à Hachoul Qaoul, qui est le verbiage dans la parole. Et c'est un terme innové, dont le premier à l'avoir utilisé est Amr ibn Ubayd, le Mu'tazili est égaré, qui a dit cela au sujet du noble compagnon Abdullah ibn Umar. Je vous donne une source, voir Minhaj Sunan Nabawiyya de Cheikh l'Islam de Taymiyyah, volume 2, page 520 et 522. Quand vous retournez à la traduction, elle est faite en complètement PDF et en audio aussi, de Hadi Da'watuna Cheikh l'Islam, et quand vous retrouvez tous les livres de l'Aqidah, comme par exemple Aqidat Salaf Ashab al-Hadith, Sabouni, etc., vous voyez que les ulama consacrent des chapitres, des endroits à donner des caractéristiques aux gens d'innovation. Et ils disent que parmi les caractéristiques des gens d'innovation, c'est qu'ils donnent des sobriquets et ils insultent et ils critiquent les gens de la sunna, du afar. Et parmi les noms qu'ils leur donnent, c'est ce genre de nom-là. Et donc, Cheikh, il dit, il n'est pas permis d'utiliser comme preuve dans les fondements en fonction de ce qui est dit dans la question, dans la croyance. Ce hadith est spécifique au point dans les branches au sujet de ceux qui ont fait l'effort d'interprétation et ont fait leur possible et ont regroupé les outils et la capacité mais n'ont pas transgressé la vérité de manière intentionnelle et donc n'ont pas eu raison. Ils n'ont donc qu'une seule récompense qui est la récompense pour l'effort d'interprétation. Question. Ça va intéresser plus nos sœurs, Inch'Allah, parce qu'il y a plusieurs questions qui ont été posées par les sœurs. إلى أي حد يجب أن تهتم المرأة بترتيب بيتها والاهتمام بها والاهتمام به لأننا إذا رجعنا إلى الغرف الآن لا يبقى لدينا وقت لقراءة القرآن وطلب العلم الشرعي. Question posée par une sœur, jusqu'à quelle limite il est obligatoire à la femme de s'occuper de l'organisation et du rangement de sa maison et de lui donner de l'importance, car si nous retournons aux chambres maintenant, il ne nous reste plus de temps pour lire le Coran et pour étudier la science religieuse. Réponse. المرأة يجب أن تكون راعية في بيتها كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وفي قوله والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها فيجب أن تقوم بتهذيب البيت وتنسيقه بالقدر الذي يكون معه البيت محافظا عليه نظيفا نعم مهيئا للعشرة الحسنة فإن من أسباب المشاكل وكثرة المشاكل النفرة التي تكون بين الزوجين لها أسباب كثيرة منها هذا الباب وأن البيت ماذا كما يقال يعني معفوس غير مهذب ولا مرتب ولا ينبغي هذا يجب أن تقوم به بترتيب حسن لا نبالغ ولا إفراط ولا تفريط فيه لا نبلغ بحد الوسوسة ولا بحد ماذا الإهمال فيجب أن يكون المكان حسنا والمكان نظيفا ومهيئا للأولاد وللزوج ولها وللجميع أما هناك حد ما هناك حد إلا أن يكون البيت بيتا حسنا وقولها لأننا إذا رجعنا إلى الغرف الآن لا يبقى لدينا وقت لقراءة القرآن وطلب العلم الشرعي ما أدري إيش معناه يعني لا وقت لدي طيب الصباح والظهر والعصر ماذا يفعلون يجب أن تنسق أن ترتب ويرتب زوجها معها الأوقات أما هكذا طول اليوم هم في الشارع ما ينفع يجب أن يكون هناك وقت لهذا وهذا فأعطي كل ذي حق حقه كما قال عليه الصلاة والسلام وإن لبدنك عليك حقا قال وإن لأهلك عليك حقا أعطي كل ذي حق حقه يجب أن يعطى كل ذي حق حقه. Réponse du Cheikh al-Bukhari, hafidhahullah, il est obligatoire pour la femme qu'elle soit une bergère dans sa demeure, comme cela a été rapporté dans les deux authentiques al-Bukhari au muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chacun d'entre vous est un berger, et chacun d'entre vous est responsable de son troupeau, et dans sa parole alayhi sallatu wa sallam, et la femme est une bergère, dans la demeure de son mari, et elle est responsable de son troupeau. Et donc il est obligatoire qu'elle s'acquitte de la tâche, et d'organiser la maison, dans une proportion où la demeure est préservée et propre, et que la maison soit prête pour une bonne vie en commun, car cela fait partie des causes des problèmes et des nombreux problèmes. Et la distanciation qu'il y a entre les époux a beaucoup de causes, dont ceci, qui est que la maison est quoi? Comme on dit, la maison, elle est ma'fous. Bête ma'fous. Hein? Hafaza, c'est comme si tu piétines quelque chose. La maison, elle est piétinée. D'accord ? Pas organisée et pas rangée. Cela ne convient pas. Il est donc obligatoire qu'elle s'acquitte d'un bon rangement sans que nous exagérions. Pas d'extrémisme ni de laxisme en cela. Nous n'arrivons pas au degré de ouswas, de doute, ni au degré de quoi ? De manquement. Il est obligatoire que l'endroit soit bien et que l'endroit soit propre et prêt pour les enfants et pour le mari et pour elle et pour tous. Quant à la limite, il n'y a pas de limite sauf que la maison soit bien rangée. Quant à sa parole, si nous retournons aux chambres maintenant, il ne nous restera pas de temps pour lire le Coran ni pour étudier la science religieuse. Et le cheikh dit, je ne sais pas quel est le sens de cela. C'est-à-dire, je n'aurai pas de temps. D'accord, qu'en est-il du matin et du dhuhr et du asr? Que font-elles? Il est obligatoire qu'elles rangent et qu'elles fassent de l'ordre et que son mari organise le temps avec elles. Cela ne doit pas être comme cela avec le temps, que toute la journée il soit dans la rue. Cela n'est pas bon. Il doit y avoir un temps pour ceci et un temps pour cela. Et donne à chacun son droit, comme le prophète a dit, et ton corps assure-toi un droit. Et il a dit, et ta famille assure-toi un droit. Donc donne donc à chacun son droit. Il est obligatoire de donner à chacun son droit. Question. قالت سائلة أو قالت السائلة لقد أجهضت امرأة بثلاثة أشهر ورمت هذا الجنين في دورة المياه أكرمكم الله بجهالة ودون علم منها بأمر من امرأة أو بأمر ممن تكبرها سنا فما حكم هذا الفعل؟ Question. Celle qui pose la question dit: une femme a avorté à 3 mois et a jeté le fœtus dans les toilettes car la vous honore. En les Arabes, quand ils disent quelque chose qui est pas bon, comme ils parlent de quelque chose comme les toilettes ou quelque chose comme ça, ils disent toujours une parole de respect, ils disent akramakumullah. Hein? Elle dit ici, par ignorance de sa part et sans science, et par ordre d'une femme, ou par ordre d'une femme qui est plus âgée qu'elle. Quel est le jugement de cet acte? La réponse du Cheikh al-Bukhari, hafidahullah ta'ala, na'oudu billah, astaghfirullah wa atubu ilayh. على كل حال إذا كانت أمرتها من تكبرها سنا فإثم على من أمرها فيجب عليها أن تستغفر الله وأن تتوب إليه نعوذ بالله وتجدد التوبة في هذا. أما هذه التي تكبرها سنا إن أمرتها بهذا فعليها الإثم وعليها أيضا التوبة من هذا وأن تسكت ولا تتكلم فيما لا يجوز لها أن تتكلم به نعوذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. شيخ الدي: nous recherchons refuge auprès d'Allah contre cela. Je demande pardon à Allah et je me repentis à lui. Quoi qu'il en soit, si l'ordre vient d'une femme qui est plus âgée qu'elle, le péché est sur celle qui lui a ordonné. Et il lui est obligatoire de demander pardon à Allah et de se repentir à Allah. Quant à celle qui est plus âgée qu'elle, si elle lui a ordonné cela, elle doit, le péché est sur elle. Elle doit aussi faire le repentir, se repentir à Allah de cela, et elle doit se taire, elle ne doit pas parler dans ce qui ne lui est pas permis de parler. Et il dit le cheikh qu'Allah nous préserve de cela, et nous demande à Allah la protection et le salut. Question suivante. هذه سائلة تقول: هل يجوز لنا موالاة ومودة من كانوا إخوانيين علما بأنهم استضافونا في بيتهم وأحسنوا ضيافتنا دون علم منا بأنهم إخوانيون. Question. Celle qui pose la question dit: nous est-il permis d'aimer ceux qui sont ikhwaniyoun, c'est-à-dire les frères musulmans, les ikhwan, sachant qu'ils nous ont accueillis dans leur maison et qu'ils nous ont bien accueillis sans que nous sachions qu'ils sont des ikhwaniyoun? Réponse du cheikh: أما موالتهم ومودتهم فأهل الأهواء عموما منهج أهل السنة في معاملتهم بين وظاهر بين وواضح وكونهم استضافوكم فقاموا بحق الضيافة عليكم فشكرهم على ما قاموا وقد كنتم تجهلون حالهم لا حرج منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي وغيره: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. نعم تدعون لهم وتشكرونهم على ما فعلوا وهذا ليس من المودة ولا من الموالاة. في المصنف لابن أبي شيبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لقي جارا له نصراني في السوق فصافحه، قالوا له منكرين ومستعجبين ببعض طلابه تصافحه، قال: إن للجوار حقا. وهذا لا يدل على مودة وعلى موالاة، انتبه، لأن هذا فيه ترغيب له لأن يسلم. فكونهم تشكرونهم على ما فعلوا وقد كنتم تجهلون أو جهلتم أمرهم في ذلك الوقت وشكرتموهم على هذا فقد أديتم عليكم ويكفي هذا. وحسن العشرة والمعاملة وعدم الإساءة هذا المطلوب، وهذا مطلوب. ما معنى حسن العشرة؟ لا تؤذيه، أما أن تواليه وتحبه فهذا قد بيناه غير مرة أن موالاة أهل الأهواء غير جائزة. نقف عن عن عن عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم. Il dit le cheikh par rapport à cette dernière question, quant au fait de les aimer, les gens des passions en général, les voix des gens de la voix des gens de la sunna du consensus est claire et apparente dans la manière de se comporter avec eux. Et le fait qu'ils vous aient accueilli, qu'ils se soient acquittés du droit de l'hospitalité envers vous, alors le remerciement en raison de ce qu'ils ont fait pour vous, alors qu'ils vous ignoraient leur situation en ce temps-là, il n'y a aucun mal à cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela est rapporté par At-Tirmidhi et d'autres, quiconque vous fait quelque chose de convenable, alors rétribuez-le. Oui, vous invoquez pour eux et vous les remerciez pour ce qu'ils ont fait. Cela ne fait pas partie de l'amour ni du fait de s'allier à eux. Il a été rapporté par Ibn Abi Shayba dans son Musannaf qu'Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah le trio l'agré, a rencontré un voisin, à lui chrétien, au marché. Il lui a serré la main. Certains de ses étudiants lui ont alors dit, désapprouvant cela et étonné, tu lui serres la main? Il répondit, les voisins ont certains droits. Et cela n'indique pas l'amour ni le fait d'être un allié. Sois attentif, car il y a en cela une incitation pour lui afin qu'il se convertisse. Et donc le fait que vous les ayez remerciés en raison de cela, alors vous vous êtes certes acquitté de ce qui vous était obligatoire et cela suffit. Et le fait de vivre bien avec les gens et de se comporter bien et de ne pas nuire sont des choses qui sont demandées. Quel est le sens de vivre bien en bonne compagnie? Que tu ne lui nuises pas. Quant au fait que tu sois son allié et que tu l'aimes, cela nous l'avons clarifié plus d'une fois, qu'aimer, s'allier aux gens des passions n'est pas permis. Nous arrêtons ici et que les prières et les salutations d'Allah et ses bénédictions soient sur le messager d'Allah ainsi que ses proches et ses compagnons. Et c'est donc la fin de la série de cours de l'explication de l'épître, les quatre règles de Cheikh al-Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, par Cheikh Abdullah ibn Abdul Rahim al-Bukhari, qu'Allah le préserve. Et toutes les louanges reviennent à Allah par les bienfaits de qui se concrétisent les bonnes choses. Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.